te sourit quand tu la vois, mais ton regard s'enfuit déjà vers d'autres visages. Elle te poursuit quand tu t'en vas, elle reste ici, attend ta voix. Peut-être pas la plus jolie, peut-être pas, mais elle veut juste te donner un peu de soi dans tes pensées. Et regarde-la. Et elle oublie tout ce qu'elle a, le cœur qui fuit, le temps qui bat, juste ton image. Et tu dévis parce que tu crois que cette fille n'a rien pour toi. Elle te sourit, regarde-la. Elle voudrait juste rencontrer un peu de toi dans ses baisers.